On le sait, le 21 mai 1498, Vasco de Gama et son armada débarquaient sur une plage à quelques kilomètres de la cité-état de Calicut dans le Kerala, ouvrant ainsi aux Portugais la route océane des Indes. Cette arrivée constitue sans nul doute un moment majeur de l'histoire de l'Ancien Monde, l'extraordinaire choc sans précédent entre Orient et Occident. L'histoire que compte aujourd'hui le magazine d'archéologie de France Culture s'avère tout autre, puisqu'il montre avec Maurice Sartre que bien des hommes, bien des navires ont vogué vers ses rives avant l'arrivée des Portulans. C'est l'histoire des routes antiques que nous allons retracer. Celles qui vont d'Europe peut-être jusqu'à la Chine, celles que l'on perçoit au travers des sources antiques, celles de Pline, Strabon, mais aussi Arien, voire Cosma Indicoplotès, ces routes que nous suivrons aussi grâce à l'archéologie, celles des rivages de la mer Érythrée, comme celles des plaines d'Afghanistan, pour mieux percevoir ce que les Grecs savent de l'Inde, ce que les Chinois connaissent de Rome. Maurice Sartre, bonsoir. Bonsoir. Professeur émérite à l'Université de Tours, merci d'être ce soir en direct et au téléphone. Notre point de départ sera bien entendu votre livre, Le bateau de Palmyre, quand les mondes anciens se rencontraient, qui vient de paraître chez Taillandier. Maurice Sartre, c'est incroyable et nous le tenons d'Hérodote à la fin du 7e siècle avant notre ère. Un équipage phénicien quitte les rives africaines de la mer Rouge pour une invraisemblable aventure. Oui, d'une certaine manière, oui. Nekao s'était rendu compte, le pharaon, qu'il aurait été bien commode de pouvoir passer de mer Rouge en Méditerranée, mais la construction d'un canal était une chose extrêmement difficile et peut-être dangereuse pour une raison simple, si d'aventure l'une des mers se déversait dans l'autre. Donc il a renoncé à son canal et il a embauché des marins phéniciens en leur disant, parce que les phéniciens étaient connus pour être de hardis navigateurs, en leur disant, voilà, vous allez partir par la mer Rouge et on va voir si vous revenez de l'autre côté, en quelque sorte. Et c'est Hérodote qui nous raconte l'histoire, très brièvement, bien trop brièvement pour nous, pour notre curiosité, et qui dit, trois ans après, enfin, dans la troisième année qui a suivi, on vit arriver un seul bateau, il y avait plusieurs bateaux au départ, un seul bateau, c'était, soi-disant, dit-il, les rescapés de l'expédition de Nekao. Et il ajoute un détail qui, pour lui, jette un petit doute quand même sur la réalité de la chose, en tout cas qui montre que ces gens-là étaient des menteurs. Ils prétendirent une chose totalement incroyable, c'est que en naviguant du soleil levant au soleil couchant, donc d'est en est, tout marin sait de quoi il s'agit, ils avaient le soleil au zénith à leur main droite, c'est-à-dire au nord. Évidemment, pour un Méditerranéen comme Hérodote, c'est totalement impossible, totalement incroyable. Et donc, il dit, à mon avis, ils ont raconté n'importe quoi pour se rendre intéressant. Je dirais que pour nous, historiens, enfin, en tout cas pour moi, c'est peut-être le détail qui, justement, rend l'aventure vraisemblable ou véridique. C'est que des marins méditerranéens, les Phéniciens sont aussi des Méditerranéens, n'auraient pas inventé une chose aussi extravagante pour se faire mousser, parce que c'était raconter quelque chose de tellement incroyable que personne ne les croirait. Donc, à mon avis, c'est qu'ils ont bien vu ça. Ils ont donc passé l'équateur, et ils ont eu, comme n'importe qui passant l'équateur, le soleil à leur droite lorsqu'ils naviguaient vers l'est, vers l'ouest, pardon. Ils auraient donc fait le tour de l'Afrique, et cela dans le sens inverse donc de Vasco de Gama, pour mieux revenir à Alexandrie. Voilà, exactement. Et ce qui me fait dire que c'est véridique, probablement, c'est qu'il y a sûrement eu d'autres exemples, alors dans l'autre sens, parce qu'on a au moins deux témoignages tardifs auxquels les anciens n'ont pas attaché beaucoup d'importance, parce que ça paraissait tellement incroyable, de navires originaires du sud de l'Espagne, de Cadix, de Gadès, colonie phénicienne, dont on a retrouvé les épaves dans le golfe d'Aqaba pour l'une et quelque part, je ne sais pas trop où, sur la côte sud, c'est-à-dire la côte kényane ou tanzanienne, la côte est de l'Afrique, au sud de la Somalie. Et c'est Eudoxe de Sisi qui raconte ça. Il avait trouvé une proue de navire qui lui avait beaucoup plu. Il avait une tête de cheval. Et quand il est arrivé à Alexandrie, il est allé sur le port en disant « Est-ce que quelqu'un connaît ce genre de bateau ?» Et tout le monde lui a dit « Bien sûr, c'est bien connu. Ce sont les bateaux de pêche des gens de Gadès. On les appelle même pour cette raison-là les chevaux. » Et donc il n'a pas douté que les gens de Gadès avait dû aller beaucoup trop loin vers le sud, se perdre, ou essayer de faire le tour de l'Afrique, et ont échoué sur les côtes de la Tanzanie. Nous sommes ici très loin du cabotage en Méditerranée. L'océan Indien, puis l'Atlantique à franchir, c'est absolument, bien sûr, gigantesque. D'autant que durant l'Antiquité, notamment chez les Romains, l'océan fait très peur, car il respire, monte et descend selon la marée. Oui, alors les marées, évidemment, pour des Méditerranéens, c'est une chose qui est quand même difficile à comprendre. Alors, le résultat, c'est que on fantasme beaucoup sur ces marées. Du coup, on dit la mer respire, il y a des monstres qui soulèvent les eaux, ou bien alors on nous raconte que les eaux deviennent remplies d'algues et c'est impossible de naviguer. C'est ce qui, probablement, a rendu peu crédible aussi l'aventure de Pythéas le Marseillais vers le nord, lui. Parce que les gens de l'Antiquité ne sont pas contentés de faire le tour de l'Afrique. Cela dit, comprenons-nous bien, on a peu d'exemples de ces circumnavigations de l'Afrique. Il y en a peut-être eu plus, mais pour lesquels on n'a pas de traces. Et ça n'a pas d'intérêt économique. Le voyage est beaucoup trop long pour avoir le moindre intérêt. Lorsque Cléopâtre se pose la question après sa défaite à Actium, est-ce qu'avec Antoine, on va pas aller prendre Octave à revers en Espagne et en Gaule, ça prouve, un, qu'elle savait qu'on pouvait faire le tour de l'Afrique. Quand elle y renonce, c'est probablement qu'elle sait que c'est aussi très, très, très, très long et dangereux. En tout cas, les Carthaginois se lancent aussi dans l'exploration des rives de l'Afrique, mais grosso modo, ils ne dépassent pas le Maroc. Non. Je crois que non. Il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions là-dessus. D'abord parce qu'ils sont partis avec des navires probablement peu adaptés. Parfois, on nous parle d'une expédition où il y avait 30 000 personnes, ça paraît extravagant, y compris des musiciens, enfin bon, on dirait presque une croisière moderne. Les descriptions qu'ils donnent, à mon avis, ne permettent pas de penser qu'ils sont allés plus bas, plus au sud que la côte marocaine. Il y a un indice qui me paraît intéressant d'ailleurs, c'est qu'ils ne donnent jamais de toponyme d'origine indigène. Ça veut dire qu'ils n'ont rencontré personne, qu'ils n'ont vu personne et qu'ils n'ont rien glané. Or, sur les autres côtes, notamment je pense à l'Inde ou à l'Afrique orientale, bien sûr les Grecs déforment parfois les mots ou leur donnent une forme grecque, mais il y a aussi beaucoup de toponymes dont on devine qu'il s'agit bien d'un toponyme indigène. Donc là, il y a du monde, ils ont vu des gens. Donc je pense qu'ils ne sont pas allés plus loin. Vous savez, quand vous longez les côtes de l'Afrique de l'Ouest et que vous avez du désert sur 1000 kilomètres, vous dites que peut-être ça ne vaut pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Oui, certes, l'histoire est bien sûr remplie de navires étrangers rejetés d'étonnantes épaves. Oui, alors il y a des épaves. Donc j'ai parlé de ces épaves de Gadès. On ne sait pas très bien. Bon, des épaves très anciennes, il y en a beaucoup en Méditerranée, bien sûr. Il n'y en a pas beaucoup en dehors. Mais quand même, de temps en temps, il y en a. J'évoquais tout à l'heure le voyage de Pythéas. Et on a beaucoup douté donc qu'il soit allé jusqu'en Islande. Bon, certains plaident pour la Norvège. Je reconnais que c'est plaidable dans les deux cas. Je suis à peu près persuadé qu'il est allé vraiment au nord. Et il y a sans doute d'autres qui ont essayé. On a fait peu de gens savent que, par exemple, on a repêché au large de l'Irlande, à environ 250 kilomètres à l'ouest de l'Irlande. Je dis bien à l'ouest de l'Irlande. Une olla, c'est-à-dire une grande jarre romaine qui provient très probablement, enfin, je veux dire qu'elle provient même nécessairement d'un navire de commerce romain. Elle a été remontée dans des filets de pêcheurs il y a plusieurs années déjà, il y a même un certain temps. Et donc, ça veut dire qu'il y a des navires qui se sont soit perdus, c'est possible, c'est même probable, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir du brouillard, des courants qu'ils ne connaissent pas, etc. soit qui ont tenté l'aventure en disant « Est-ce que je suis pas en train de suivre la route de Pythias ? Est-ce qu'on ne devrait pas aller voir par le nord ?» etc. Donc, vous voyez qu'il y a des quelques indices archéologiques. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, au fond des mers, parce que d'abord, ces mers sont profondes, donc c'est difficile d'y retrouver des épaves. Mais il y a quelques indices. En tout cas, bien sûr, Pythias, c'est la fin du IVe siècle avant notre ère, c'est la cité de Marseille, c'est une route plein nord, et c'est l'Ultima Thulée. Qu'est-ce que l'Ultima Thulée ? Alors, l'Ultima Thulée, parce que Thulée, c'est un nom mythique, en quelque sorte, d'une île perdue, et donc c'est vraiment l'île la plus lointaine, la terre la plus lointaine qu'on puisse connaître dans ce sens-là. Là aussi, Pythias a été peu cru. Strabon parle de lui comme du plus menteur des hommes. Mais là où, je pense que ça tient d'une part au fait que Pythias a été caricaturé par ses adversaires. Il racontait des choses qu'un Méditerranéen comme Strabon pouvait guère imaginer. Que par exemple, la durée du jour était très faible l'hiver. Et qu'elle était au contraire très longue l'été. Du coup, on l'a caricaturée au point de lui faire dire « il y a 6 mois de jour, 6 mois de nuit ». Jamais Pythias n'aurait dit une chose pareille. Simplement, comme l'œuvre de Pythias de l'océan est quasiment entièrement perdue, il y a quelques fragments seulement, on a beaucoup de peine à connaître le texte même. Si on avait l'intégralité du texte de Pythias, il est probable qu'on aurait beaucoup plus d'arguments pour défendre la réalité de son voyage. Maurice Sartre, dans cette géographie du monde, comment les Grecs perçoivent-ils les continents ? Quelles en sont d'ailleurs les limites ? Eh bien, la division en continents, elle remonte à l'époque archaïque, c'est-à-dire au VIe siècle, largement, peut-être même le plus avant. Et Hérodote, au Ve siècle, est parfaitement conscient que c'est purement artificiel. Pour eux, il y a 3 continents, l'Europe, l'Asie et la Libye. La Libye désignant toute l'Afrique. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de ces explorations, de ces aventures, de ces voyages, on s'aperçoit que leur point de vue change beaucoup sur la taille des continents. Ératosthène, au IIIe siècle avant notre ère, est persuadé que l'Europe, à elle toute seule, est aussi grande que l'Asie et l'Afrique. Vous imaginez d'où on part, parce que c'est très loin, évidemment, de la réalité. D'autre part, ce qui fait la limite des continents, ce sont des grands fleuves et pas les mers ou les détroits. Bien sûr, entre l'Europe et l'Afrique, appelons-la l'Afrique, même si eux l'appellent Libye au départ, il y a la Méditerranée. Mais ce qui fait la frontière entre l'Europe et l'Asie, c'est le Don, c'est-à-dire le Tanaïs, et ce qui fait la frontière entre l'Asie et l'Afrique, c'est pas la mer Rouge. C'est le Nil. C'est-à-dire qu'ils accordent plus d'importance, d'une certaine manière, aux grands fleuves qu'aux mers elles-mêmes. Et puis rappelons aussi que, durant l'Antiquité, tout le monde s'accorde à ce que la Terre soit bien sphérique. Oui, alors la plupart des gens, dès l'époque de Platon, d'Aristote et de Platon, sont absolument persuadés que la Terre est une sphère. Alors on se pose des questions. Ératosthène l'a démontré et il a même calculé la distance du méridien en faisant relever l'angle du soleil à Alexandrie et à Sienne, c'est-à-dire à Souan, à la même époque, le même jour, au même moment, etc. Donc, il y a beaucoup de progrès. Les Grecs ont de très bonnes connaissances en astronomie, et donc là, ça ne pose pas de problème. Il y a parfois des retours en arrière. Par exemple, à la fin de l'Antiquité, un homme comme Cosmas Indicoclestes, que vous avez mentionné tout à l'heure, tout à fait. Lui est persuadé, c'est un chrétien, et il écrit une cosmologie chrétienne, une cosmographie chrétienne, qui est en réalité un ouvrage quasiment de théologie. Donc lui, il fait de la Terre une sorte de tabernacle, ce qui n'a plus rien à voir. Mais bon, c'est marginal et c'est pas ça qui compte. Ce qui est intéressant, c'est que, comparé à Ératosthène, des savants comme Marin de Tyr ou comme Claude Ptolémée au IIe siècle de notre ère, eux étendent le monde habité beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'ils ont pris conscience tout d'un coup que l'Asie va beaucoup plus loin à l'est que ce qu'on imaginait, que l'Afrique va beaucoup plus loin au sud. Parfois, ils vont même trop loin. Par exemple, je peux donner un exemple. Marin de Tyr avait fait des calculs en disant que, dans le fond, l'Afrique devrait aller jusqu'au 59e parallèle sud. Nous savons, maintenant que l'Afrique s'arrête à environ au 34e, 34,5, je crois, quelque chose comme ça. Donc, mais déjà, Ptolémée l'avait corrigé en disant non, ça ne peut pas marcher parce que s'il y a des populations noires aussi loin au sud, elles ne peuvent pas vivre au 59e parallèle parce que chez nous, le 59e parallèle, c'est des pays froids. Et curieusement, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que les anciens n'ont jamais réussi à trouver où se terminait l'Europe au nord, alors qu'ils savent maintenant que l'Afrique, la forme de l'Afrique, il y a eu beaucoup de débats à savoir si c'était un trapèze ou un triangle. On sait que dans le fond, c'est un peu les deux, bien entendu. Et d'autre part, on sait qu'il y a une mer à l'est, au bord du pays des Chinois. Et pas des cerfs, parce que c'est autre chose, mais on en parlera peut-être après. Bon, et Sartre, le grand voyage maritime dans l'Antiquité, c'est l'Inde, via les rives arabiques de l'océan Indien. Oui, le grand voyage hors de la Méditerranée, c'est l'Inde. Et là aussi, on fait des progrès considérables, et on en a souvent peu conscience à notre époque. On a toujours l'impression, et votre présentation au début était juste, que Vasco de Gama est un héros, un super-héros. Je ne lui conteste pas ce statut, ça va de soi. Mais l'océan Indien, quand on l'observe entre le 1er et le 3e, 4e, voire 5e siècle de notre ère, c'est une sorte d'autre Méditerranée, peut-être moins active, peut-être avec moins de monde, bien entendu. Puis il n'y a pas des petits pêcheurs qui partent comme ça sur l'océan au loin. Mais du moment où les Grecs, ou les Méditerranéens, on va dire, ont compris le fonctionnement de la mousson, cette fameuse bascule sud-ouest-nord-est, le commerce avec l'Inde s'est développé de façon formidable. Il existait avant, ne l'oublions pas, il existait avant parce que les Indiens, eux, et les Arabes à leur suite, eux, savaient très bien naviguer entre l'Inde, le sud de l'Arabie, la côte orientale de l'Afrique et la mer Rouge. Et oui, dès le 3e millénaire avant notre ère. Pardon ? Dès le 3e millénaire avant notre ère. Oui, ça je ne suis pas totalement sûr. Je pense que les produits qui venaient d'Inde et d'Asie centrale au 3e millénaire avant notre ère venaient plutôt par voie de terre et de toute façon par petit cabotage en changeant très souvent de main. Donc c'est peut-être un petit peu un autre problème. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est en trouvant un équipage indien échoué en mer Rouge, donc ce qui prouve qu'il y avait des Indiens qui venaient en mer Rouge, et en sauvant la vie du seul survivant, dit-on, c'est une des versions possibles, qu'on a appris les secrets, si on peut dire, de la mousson. Oh. Donc, à partir de là, les Grecs enfin, et les habitants de la Méditerranée se lancent. On nous parle de 120 bateaux par an, à l'époque d'Auguste, qui font la navigation entre les ports égyptiens de la mer Rouge et l'Inde. Et l'on a découvert donc des amphores, même des gauloises du type G4, amphores gauloises, à Cana en Arabie, mais aussi à Récamédou, donc en Inde. La meilleure source de ce commerce est sans conteste le texte d'un anonyme du 1er siècle de notre ère, ce que l'on appelle le périple de la mer Érythrée, le Periplus Maris Érythréi. Oui, c'est un texte absolument fantastique, qui est probablement l'œuvre d'un marchand, en tout cas de quelqu'un qui a navigué sur ces mers, et qui décrit ce qu'il voit, c'est-à-dire les ports, les ressources de chaque port, le commerce qu'on y fait, les marchandises qu'on peut y débarquer, les marchandises qu'on peut y embarquer. Et il les décrit avec beaucoup de précision, donnant même à l'occasion des détails sur la situation politique de l'endroit, ces détails étant en général, lorsqu'on a le moyen de le faire, toujours confirmé par des sources extérieures. Et il connaît beaucoup de toponymes en Arabie du Sud, évidemment, le long de la mer Rouge aussi, en Arabie du Sud, le long des côtes de ce que les anciens appellent la Siti, c'est-à-dire en gros les côtes pakistanaises aujourd'hui, et puis de l'Inde, surtout les côtes, la côte ouest, la côte Malabar, mais aussi jusqu'à Récamédou, que vous avez mentionné tout à l'heure, qui semble marquer quand même globalement le point le plus lointain à l'est sur l'océan où fréquentent les Grecs et les Romains. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui vont, quelques-uns ne vont pas plus loin. Bon, il y en a quelques-uns, on en est même sûr et on a des exemples. Mais en général, c'est à Récamédou. En tout cas, Maurice Sarthe, à Palmyre, on voyage aussi, notamment sur un bateau propriété de quelqu'un que vous connaissez bien. Oh, je le connais pas bien personnellement. D'ailleurs, on a un peu de différence. Mais oui, il y a à Palmyre une inscription qui félicite un grand chef caravanier pour avoir ramené le marchand sain et sauf en les faisant naviguer sur le bateau d'Onaïnou. Onaïnou, c'est un nom typiquement de Palmyre. Donc, on se dit que l'homme qui naviguait sur ce bateau, est-ce qu'il en était le propriétaire, le pilote, le capitaine, j'en sais rien. En tout cas, il était palmyrénien. Et il se trouve qu'on a trouvé à Palmyre, dans un tombeau, la tombe de Marona, l'image d'un bateau. Ce qu'on n'attend pas, évidemment, dans une cité du désert. Donc, faut pas se tromper sur le titre que j'ai donné à ce livre. Le bateau de Palmyre, c'est pas le chameau. C'est bien un bateau, un vrai bateau, un bateau de commerce, avec tout ce qu'il faut et tout ce que l'on connaît. D'autre part, on connaît ces textes palmyréniens, on connaît un texte palmyrénien, qui a, lui, un siècle plus récent, dans la grotte de Hoc, c'est-à-dire sur l'île de Socotra. Formidable découverte, très très belle découverte. Formidable, absolument, une découverte absolument formidable, d'autant plus que Socotra apparaît comme une île désolée. Les voyageurs anciens disent « c'est l'enfer, il ne faut pas y aller, d'abord il n'y a rien ». Or, on voit que cette grotte de Hoc avait été fréquentée par des Indiens en quantité. Il y a une cinquantaine de textes, si j'ai bonne mémoire, en texte indien, mais en langues indiennes. Mais il y a aussi des gens d'Afrique, de l'Est, des gens d'Aksum qui viennent, des inscriptions en grec et un texte en palmyrénien très précis et bien daté du milieu du 3e siècle. Donc, on voit qu'ils vont, même les palmyréniens, même les gens de caravane vont aussi sur la mer. Ils sont absolument partout. Les Grecs, l'Inde et l'Asie centrale, c'est bien entendu Alexandre le Grand, le voyage de Néarque et le texte d'Arien, c'est aussi une réalité archéologique. Je vous propose d'écouter Paul Bernard, directeur de la délégation archéologique française en Afghanistan, évoquer la découverte de la cité hellénistique d'Aïranoum dans une archive de l'émission de 2015. C'était la première fois qu'on trouvait ça en Afghanistan. C'était la preuve qu'il y avait une colonne tout entière en pierre, car c'était une pièce énorme qui fait plus d'un mètre de haut, qui suppose un support entièrement en pierre, alors que jusque-là, on ne connaissait de colonne qu'en bois dans les édifices d'Afghanistan de toute époque. Et s'il y avait cette colonne-là, il y en avait d'autres autour, et il y avait donc une ville grecque. Il ne se trompait pas en allant sur l'endroit qu'on connaissait fort bien, d'où provenait ce chapiteau. Il a découvert, nous avons découvert avec lui, une ville grecque, la ville à laquelle nous avons donné le nom du petit village qui était à côté et dont, évidemment, les hommes étaient devenus nos ouvriers. Donc la découverte d'Aïranoum est vraiment capitale. C'est la preuve tangible de la présence grecque et matérielle dans cette partie du monde. Ah, ça c'est absolument certain. Dès que nous sommes arrivés, nous nous sommes précipités où vont en général les archéologues, c'est-à-dire près des remparts, qui sont l'équivalent de nos rebuts, de nos endroits où nous jetons les détritus. Et en fouillant dans les détritus, au bout d'une demi-heure, nous avions ramassé suffisamment de céramique de type grec, je ne dis pas grec, car toute la céramique est locale, mais imite notamment des vases grecs. Donc au bout d'une demi-heure, nous savions que nous étions sur l'emplacement d'une ville grecque dont la céramique était grecque et qui avait quelque part un monument de grande taille dont les colonnes étaient grecques également. Vous avez commencé cette découverte, elle date d'à peu près 1963. Vous avez immédiatement commencé les fouilles ? Alors, nous avons fait une prospection préliminaire avec Daniel Schomberger et quelques autres archéologues qui travaillaient à ce moment-là en Afghanistan. Et je dois dire que le relevé qui a été fait du site à ce moment-là par l'architecte qui nous accompagnait, c'était donc en 64. Ce qu'il a dessiné sur sa planche à dessin, c'est l'endroit exact des monuments dont nous avons supposé l'existence dès ce moment et que nous avons retrouvé quand nous nous sommes mis à fouiller effectivement, c'est-à-dire un théâtre, c'est-à-dire un palais, c'est-à-dire un temple, c'est-à-dire des remparts et bien d'autres choses encore. Maurice Sarthe, vous avez fouillé durant une campagne cette fameuse ville hellénistique. Cela, j'imagine, doit vous rappeler quelques souvenirs. Oui, bien entendu. Mais à la différence, et bien sûr ce que dit Paul Bernard était tout à fait passionnant, dans ce livre, justement, je n'ai pas voulu prendre en compte l'Asie centrale gréco-romaine, c'est-à-dire les résultats de la conquête d'Alexandre, mais aller plus loin. Ce qui m'intéresse, moi, c'est au contraire ce que les Grecs découvrent au-delà. Alors, il est évident que la présence grecque à Hiranum et sur l'ensemble de la Bactriane et de l'Asie centrale leur fournit une sorte de marchepied, en quelque sorte. Mais ce qui m'intéressait, c'était de savoir s'ils allaient vraiment plus loin. Et on s'aperçoit que, autant par mer, ils sont capables d'aller très loin, par voie de terre, les routes caravanières sont tellement longues qu'il est très rare qu'ils y aillent. Et de ce point de vue-là, l'expédition d'un marchand syrien, probablement, qui s'appelle Maestitianos, autour de 100 de notre ère, probablement là aussi, qui envoie une caravane depuis la Syrie du Nord jusque dans la capitale des Serres, c'est-à-dire des gens à qui ils achètent la soie, probablement à l'est là, du bassin du Tarim, au contact de la Chine, est une expédition formidable, mais qui a duré des années. C'est plus long que de traverser l'Afrique. On nous raconte que des ambassades chinoises ont mis pour venir dans le monde méditerranéen, enfin, ou espérer venir dans le monde méditerranéen, plus de 4 ans, et que la moitié de l'expédition est morte, voire les 3 quarts, en cours de route. Maurice Sorte, un grand merci. Je rappelle donc le titre de votre livre, Le bateau de Palmyre, quand les mondes anciens se rencontraient, que vous venez de publier chez Talendier. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Jacques Hubert, et bien sûr, avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, nous partirons pour d'autres temps, d'autres lieux.